pourrait nier que l'espace infini est ontologiquement poétique. Certainement pas notre invité du jour qui, depuis son plus jeune âge, alterne recherches scientifiques et écrits poétiques. Astrophysicien, écrivain, poète, essayiste, on lui doit le premier calcul de l'image d'un trou noir. Il a également décrit les crêpes stellaires ou l'aplatissement des étoiles au voisinage des trous noirs. Des trous noirs auxquels il a consacré l'essentiel de sa carrière, ainsi qu'aux problématiques de topologie de l'univers. Il a formulé avec quelques prestigieux collègues la théorie de l'univers chiffonné qui nous renverrait des images fantômes de lointaines galaxies. Jean-Pierre Luminet est notre invité spécial. Voir l'invisible avec Jean-Pierre Luminet, c'est le programme éclairant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour. Je m'excuse d'ores et déjà de ma voix de rogome aujourd'hui qui est un petit peu encombrée, mais on va tout de même faire cette émission avec grand plaisir. Et d'abord, je vous remercie mille fois d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir à la méthode scientifique. C'est moi. Jean-Pierre Luminet, vous êtes directeur de recherche à CNRS. Vous travaillez entre l'Observatoire de Paris-Meudon et le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille. De nombreux ouvrages, on va en citer quelques-uns, mais vous pourrez en rajouter d'autres si vous le souhaitez. Puis on va vous mettre une liste, un lien vers votre bibliographie sur le fil Twitter de l'émission. On peut citer l'univers en 100 questions, c'est chez Talendier, de l'infini, c'est chez Dunod. Et côté fiction, on va en reparler dans un instant, Ulu Beg, l'astronome de Samarcande, c'est aux éditions J.C. Lattès. Sans oublier votre blog que nous consultons souvent à la méthode scientifique sur Vulture à Science, Luminescience. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oh oui, mais non, je crois qu'on va s'en arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Eh bien, on va se les dire tout au long de cette heure. On a hésité, je vais vous dire, à intituler cette émission « Pour une poétique de l'astrophysique ». Pourquoi pas, hein. Notre grand philosophe Gaston Bachelard a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « La poétique de l'espace ». C'est vrai que l'astronomie, la contemplation du ciel, et plus que la contemplation, la pensée, l'espoir même d'explorer le ciel, se nourrit d'un très riche imaginaire. C'est propice évidemment à une certaine forme de rêverie poétique, à laquelle je me suis moi-même adonné. Ça a commencé d'ailleurs de façon assez étrange à la fin des années 90, à une époque où j'avais déjà écrit pas mal de recueils de poésie, mais dans un état d'esprit un petit peu schizophrène où je faisais vraiment la séparation entre mon écriture poétique et mes premiers travaux scientifiques, parce que pour moi l'écriture poétique n'était absolument pas censée décrire de façon didactique les beautés du ciel, comme il y a une forme de poésie de cette nature-là. Je ne goûtais pas du tout cette forme de poésie. Pour moi, la poésie, ça servait à explorer les profondeurs de l'âme humaine. Mais c'est vrai que le même Bachelard, justement, avait parlé du double infini du cosmos et de l'âme humaine. Et à cette époque, donc, l'un de mes éditeurs m'avait précisément mis au défi d'écrire une anthologie, de publier une anthologie sur les poètes et l'univers, pour montrer justement que tout au long de l'histoire, toute culture, tous les pays, toute époque confondus, les plus grands poètes se sont posés cette question, le rapport à l'univers. Et finalement, en comprenant mieux le cosmos extérieur, peut-être que l'on va mieux appréhender les choses encore plus mystérieuses qui se trouvent en nous. Et c'est comme ça, donc, j'ai publié cette anthologie, Les poètes et l'univers, et à mon tour, après, finalement, l'écriture poétique qui a suivi, les recueils qui ont suivi, ont davantage été, effectivement, ont moins marqué cette schizophrénie et cette séparation que je faisais. Et c'est vrai que, les grandes questions que l'on se pose sur l'univers sont propices à une certaine forme d'écriture poétique. Vous dites que les grands poètes se sont posés la question des mystères de l'univers. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que les grands scientifiques se sont posés souvent aussi, d'une certaine manière, la question des mystères de la poésie et du langage, de la rêverie? De la rêverie, oui, sans doute, du langage aussi. Dans la poésie, c'est moins évident. Bon, traditionnellement, on dit que les scientifiques, et particulièrement dans le domaine de la physique fondamentale et des mathématiques, où j'exerce essentiellement, il y a une appétence particulière des chercheurs pour, finalement, la forme d'expression artistique la plus abstraite, mais peut-être également la plus prégnante, pour moi, en tout cas pour moi, qui est la musique. Voilà, donc il y a un rapport privilégié. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion, au cours de cette émission, de parler des passionnantes collaborations que j'ai pu tisser dans le milieu de la musique contemporaine pour précisément transposer certains de ces mystères extraordinaires de l'univers en œuvre musicale. Alors, s'il est vrai que la recherche scientifique, le développement de la science ont irrigué tout au long de l'histoire l'imaginaire des artistes, donc des poètes en particulier, mais d'autres artistes évidemment, il y a aussi toute une histoire dans l'histoire de la peinture et bien d'autres représentations artistiques. L'inverse est moins évident. Les scientifiques font certes fonctionner leur imaginaire, bien entendu, c'est absolument fondamental, l'imaginaire créatif. C'est d'ailleurs ça qui m'a conduit moi-même à exercer ce métier, ma fascination pour l'imaginaire et la créativité qui peut en résulter. Mais de là à se faire irriguer directement par une lecture poétique, l'écoute d'une œuvre musicale ou la vision d'un chef-d'œuvre de la peinture, c'est moins évident. Je dirais que ça se passe certainement de façon un petit peu souterraine, cette irrigation réciproque, cette fertilisation réciproque de l'art des sciences, que souvent on oppose entre elles à cause d'un clivage malheureusement culturel qui était souvent malheureusement introduit très tôt dans l'éducation. Je pense qu'en fait le cœur de ce pont que l'on peut tracer, c'est l'esthétique, c'est-à-dire la notion de beauté. Il doit y avoir une beauté quelque part. Alors je sais bien que dans le monde de l'art contemporain, ça se discute maintenant, qu'est-ce que c'est la beauté, l'esthétique, hein, bien entendu. C'est une question vieille quand même, comme une grande dominante, représenter d'une certaine façon des formes de beauté. Et il faut savoir que depuis Platon, la question se pose également dans le domaine de la réflexion philosophique et puis scientifique que l'on a sur l'univers. Et on sait très bien que donc certains très grands esprits de l'histoire ont dit, mais finalement, ce qui est beau a plus de chances d'être vrai que ce qui est laid. Ça peut paraître très surprenant, très arbitraire, hein, qu'évidemment comme déclaration, de grands mathématiciens aujourd'hui continuent à le dire, comme Roger Penrose, Alain Cohn, ou Paul Dirac, il y a un peu plus longtemps. Si des équations sont belles, elles ont plus de chances d'être bonnes. Peut-être pas définitive, mais c'est très surprenant. Cette fameuse notion d'élégance. Et pourtant, mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors après, évidemment, il y a une forme de subjectivité dans l'appréciation de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté? De la même façon que la beauté d'une femme, heureusement, il y a plusieurs avis. La beauté d'un poème, là, la beauté d'une équation aussi. Il faut évidemment une certaine culture pour savoir reconnaître éventuellement cette beauté. Donc il y a une part de subjectivité, mais malgré tout il y a quelque chose qui reste. Il y a indéniablement des équations de la physique et des équations des mathématiques qui sont indéniablement belles, même si on n'en connaît pas toutes les choses merveilleuses qu'il y a derrière. Ça me rappelle, à titre personnel, cette citation, je crois qu'on attribue à Serge Gainsbourg, qui disait « La laideur a cet avantage sur la beauté qu'elle dure toujours ». Oui. Je trouvais cette phrase terrible. Néanmoins, ce qui est intéressant, Jean-Pierre Luminet, c'est que évidemment vous le dites, on en reparlera, vous avez toujours mené de front, hein, cette passion pour les arts, pour la poésie, pour la musique également, ainsi que votre carrière scientifique. Et c'est vrai qu'on pose souvent aux artistes la question de la vocation, et c'est une question qu'on pose moins aux chercheurs et aux scientifiques. Donc je vous la pose, est-ce que vous avez senti une forme de vocation dans votre parcours artistique ou scientifique, Jean-Pierre Luminet? Excusez-moi, mais on la pose tout le temps, de vocation, surtout pour les astronomes. Non, vous savez, parce qu'en fait, dans le champ de la recherche, toutes disciplines confondues, l'astronomie reste encore l'une des rares disciplines où il y a une part du travail qui peut être fait encore par des amateurs et non pas par des ultra-spécialistes. Voilà. Donc ça veut dire que parmi ceux qui exercent l'astronomie, les sciences de l'univers, il y en a certains qui, amateurs depuis leur plus tendre enfance, ont eu une véritable vocation. Très jeune. Je le dis tout de suite, ça n'a pas été mon cas. Mais dans mon domaine de collègues, je sais qu'avant de devenir professionnel, et ils ont milité, ils sont inscrits dans des sociétés d'astronomie amateurs, ils ont observé le ciel à la lunette, et ils ont fait leurs premières armes sur l'univers. Comme ça. Moi, s'est passé de façon plus abstraite, même si j'étais plongé dans la nature dès mon enfance, puisque je suis né en Provence, comme vous l'attendez, en mon accent encore un petit peu chantant. Donc je regardais le ciel de Provence et les belles étoiles. Entre autres, je regardais aussi, évidemment, mon jardin, les animaux qui étaient dedans, tout un ensemble de choses dont le ciel faisait partie, mais parmi d'autres choses, d'éléments du cosmos que je contemplais et surtout sur lesquels je me posais des questions. Parce que finalement, devenir chercheur, c'est se poser en permanence des questions sans accepter nécessairement les réponses que l'on va vous donner. Voilà. Et donc, je me souviens, parmi les questions que je me posais lorsque je regardais le firmament provençal, avec le beau ciel étoilé, c'était pas tellement les étoiles, c'était le noir qu'il y avait entre les étoiles. C'est que on ne voyait pas, c'est-à-dire l'invisible. Et est-ce que c'est invisible? Est-ce que c'est rien? Est-ce que c'est le vide? Est-ce que c'est le néant? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose, l'espace? Est-ce qu'on peut lui donner corps? On peut lui donner une chair? De quoi est-il fait? Et je crois que finalement, c'est un type, le départ de cette vocation, mais qui ne s'est traduite finalement, qui n'a pu se concrétiser que plus tard, grâce à mes études de mathématiques, puisqu'effectivement, je pratiquais déjà beaucoup de choses dans mon adolescence, vous l'avez mentionné, la peinture, la musique, l'écriture, et les mathématiques. Les mathématiques, j'étais à l'aise avec les mathématiques, ça me plaisait, cette forme de pensée abstraite est tellement élégante de résoudre comme ça des petites équations. Et c'est finalement assez tardif, et je répète, sans aucune vocation préalable de devenir un jour astrophysicien, que grâce à la lecture de 2-3 ouvrages de très bonne vulgarisation que j'ai lu au tout début des années 70, dans la fin des années 60, début des années 70, je me dis, mais finalement, cet outil mathématique avec lequel je jongle va me permettre d'aborder des questions aussi fascinantes que je découvrais justement dans ces livres-là. Est-ce que l'univers, il a une origine? On commençait à parler du modèle du Big Bang, même si encore à l'époque, il n'était pas vraiment établi. Les trous noirs, on commençait à peine à en parler aussi. Tout de suite, ça m'a fasciné. Les trous noirs, c'est noir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est rien? Est-ce que c'est plein? Qu'est-ce qu'on peut en sortir? Voilà, en fait, voilà. Et ma vocation, finalement, a vraiment commencé à partir de ce moment-là, c'est-à-dire le milieu des années 70, sans que j'abandonne et le reste de mes activités, mais que j'ai quand même mis pendant un certain temps un petit peu en filigrane, parce que dans les premières années, il faut évidemment faire des thèses de doctorat, écrire beaucoup d'articles. Quels seraient les auteurs justement qui ont été déterminants dans ce choix, ou peut-être même simplement les auteurs qui vous ont accompagné toujours comme des compagnons de route au long de votre carrière, que ce soit dans le registre scientifique ou dans le registre poétique, Jean-Pierre Lunet? Dans le registre poétique, je ne serais pas très original en citant la grande trilogie toujours Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, mais on ne peut pas dire du tout que ils étaient à l'origine d'une quelconque effectivement orientation vers les mystères du ciel, même si Baudelaire a écrit de très très belles pages à ce sujet. Vous attendez sur Borges. Alors Borges, je l'ai découvert. Oui, Borges, je l'ai lu effectivement un petit peu plus tard. Il est clair, évidemment, et j'en parle dans plusieurs de mes ouvrages. Je cite des extraits de nouvelles absolument extraordinaires de Borges. Bon, notamment la bibliothèque de Babel, qui est une incroyable métaphore de ces travaux de topologie cosmique que j'ai menés par la suite, là, avec ces modèles d'univers que j'ai poétiquement appelés chiffonnés, mais qui ressemblent un petit peu à ces duplications illusoires dont parle Borges dans sa bibliothèque de Babel, qui semble contenir en fait tout le livre du monde possible. Et puis Borges, fasciné par les paradoxes de l'infini, qui nous parle du paradoxe d'Achille et de la tortue, donc toute cette interrogation sur l'infini. Et puis le jardin des sentiers qui bifurquent, une autre de ses nouvelles extraordinaires, qui évoque finalement une des interprétations de la physique quantique, qu'on appelle l'interprétation d'Everett, avec cette multiplication quasi infinie des mondes à chaque instant. À chaque fois qu'une mesure quantique est faite, les univers bifurquent vers différentes évolutions du système quantique. Oui, c'est fascinant. Mais je dirais que ça, je l'ai découvert plus tard. Voilà. Donc, ce qui m'a accompagné au tout début, ce sont plutôt, les ouvrages de deux, trois ouvrages de semi-vulgarisation. L'un, je me souviens, il avait été écrit par un astronome, radio-astronome de l'Observatoire de Paris, qui s'appelait Jean Henneman, qui était aussi, parce qu'il avait écrit de très bons bouquins de vulgarisation, qui était aussi passionné d'ailleurs de civilisation extraterrestre. Il croyait pas aux ovnis, mais enfin, il s'intéressait évidemment à la possibilité d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers et éventuellement d'en détecter des signaux radio-astronomiques. Et il a été entre autres à l'origine effectivement de ce basculement que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai rencontré quelques années plus tard quand je suis allé à l'Observatoire de Meudon. Il était ravi d'apprendre que finalement j'étais devenu professionnel grâce à lui. De même qu'à mon tour maintenant, aujourd'hui, régulièrement, des jeunes astrophysiciens viennent me voir et me disent « Ah, mais tu sais Jean-Pierre, j'ai lu ton livre sur les trous noirs il y a 20 ans, puis ça m'a donné envie de faire ce métier. » Ça fait très plaisir, c'est la récompense. Je crois que quand même, la clé qui m'a réellement déclenché, parce que je suis astrophysicien certes, mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'auditeur, dit l'astrophysicien ou l'astronome, il doit aller au Chili, il doit observer le ciel avec un télescope, etc. Pas ça du tout, parce qu'il y a plein de manières de faire l'astrophysique. Moi, je suis vraiment un théoricien, un physicien théoricien. Je fais des calculs, je fais des modèles. Voilà. Alors, ça peut pas être aride et ennuyeux, mais au contraire, c'est pour moi la chose la plus passionnante. Et ce sont d'autres qui vont être chargés de vérifier la pertinence ou pas de ce que j'ai proposé. Donc, on aura l'occasion de parler, voilà, de mes simulations de trous noirs, les crêpes stellaires, les univers chiffonnés. Tout ça, ce sont des propositions théoriques que j'ai faites grâce à cet outil mathématique, cette réflexion que je mène depuis 40 ans, et avec après les possibilités de vérification. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous avons la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Luminette tout au long de 7h pour parler, eh bien, justement de ces travaux, de ces modèles théoriques que vous avez proposés. On peut, on va parler de ce que vous venez de décrire à l'instant. Pour commencer, sur la première chose, en 1979, vous êtes à l'Observatoire de Paris et vous proposez un modèle qui permet de calculer l'image d'un trou noir. On se dit un trou noir, normalement, on peut pas observer un trou noir puisque c'est noir dans l'espace noir. Mais vous avez proposé un modèle, le premier, qui permet tout de même d'en calculer l'image. Expliquez-nous, qu'est-ce que Absolument. C'est que ce modèle ? Alors, je vais malgré tout prendre, si vous voulez bien, une minute de Vous avez de toutes les minutes que vous voulez. Voilà, pour parler de ce qui s'est passé juste avant, parce que ce n'est pas mon tout premier travail. Mon tout premier travail, c'est que j'ai eu la chance, en fait, après avoir fait donc mes études mathématiques pures à l'Université de Marseille, et puis une année à Montpellier, où j'ai commencé justement à m'intéresser à l'astrophysique, à la cosmologie, justement par la lecture de ce livre dont je parlais, j'ai ouvert deux bouquins qui sont parus en 1973, deux bouquins extraordinaires, très techniques ceux-là, qui sont la Bible, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui la relativité générale. L'un de ces bouquins s'appelait Gravitation, il a été écrit par Misner, Sorn et Wheeler, donc l'école de Princeton, disons, aux États-Unis, et un autre s'appelle The Large Scale Structure of Space-Time, la structure à grande échelle de l'espace-temps, écrit par Stephen Hawking et George Ellis. Et j'ai la chance d'être invité à travailler, à faire une thèse à l'Observatoire de Paris par Brandon Carter, l'un des grands spécialistes de l'époque de la physique des trous noirs, collaborateur de Stephen Hawking, de Roger Penrose, de tous les grands de cette époque, voilà, qui m'accepte dans le groupe d'astrophysique relativiste de l'Observatoire de Paris. Je monte là-haut, je connais rien, avec mon accent méridional, tout le monde se moque de moi, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, etc. Ben, je vais commencer à essayer de travailler sur la relativité générale, et je commence effectivement à travailler sur des modèles cosmologiques complètement mathématiques, n'ayant aucun rapport réel, parce que c'était ma formation de mathématicien. Et alors, pour l'anecdote aussi, en fait, Brandon Carter m'a donné un sujet de thèse, me disant, ben voilà, débrouille-toi avec toi, avec ça. C'est ça. Pour ceux qui savent, ça s'appelle la conjecture BKL, je n'en dirai pas plus, bien entendu. Bon, au bout de 2 ans, j'ai fait autre chose que cette conjecture, parce que je n'arrivais pas à le faire, et quand je suis allé voir Brandon Carter pour lui présenter mes travaux, il m'a dit, ben, je savais bien que tu arriverais pas à faire cette chose, personne n'y est arrivé, personne n'y arrivera avant longtemps, et ce que j'attendais de toi, c'est que tu trouves toi-même ton chemin. Et effectivement, 40 ans plus tard, la conjecture n'est toujours pas résolue. Donc, du coup, je me suis dit, je vais travailler sur autre chose. Et j'ai commencé, effectivement, à travailler sur les trous noirs. C'est l'époque, nous sommes dans les années 70. Les trous noirs sont des objets qui fascinent déjà les physiciens théoriciens, parce qu'il y a déjà des équations de la physique des trous noirs que l'on commence à comprendre. Stephen Hawking, notamment, entre autres, a travaillé, a découvert le processus d'évaporation quantique des trous noirs. Les lois de la physique des trous noirs, la thermodynamique des trous noirs en sont élaborées. Tu vas prendre Brandon Carter et quelques autres. Donc, tout ça, ça remue beaucoup, mais ça reste un objet théorique. Et je débarque dans un milieu essentiellement d'astronomes à l'Observatoire de Paris. Et je vois bien que les astronomes ne croient pas encore vraiment au trou noir parce que la définition de trou noir, c'est qu'on ne le voit pas. Ils ne les voient pas. Oui. Bon, alors comment faire pour dire ça existe vraiment dans l'univers, voilà. Alors il faut être sûr. On va pas les voir directement, mais on va essayer d'observer indirectement des signatures, c'est-à-dire des signatures électromagnétiques des trous noirs. C'est la matière qui va tomber dans un trou noir. Si le trou noir n'est pas complètement isolé, il y a du gaz autour, il peut y avoir des étoiles, etc. Elle va tomber avant de disparaître. Elle va émettre une forme de rayonnement caractéristique. Ça va être une signature du trou noir. Donc, je me suis dit, le problème, c'est que la plupart du temps, le rayonnement électromagnétique de la matière qui tombe dans un trou noir, c'est dans le domaine des très hautes énergies qu'on appelle les rayons X. Et les rayons X ne sont pas détectables au sol, heureusement pour nous. C'est absorbé par l'atmosphère. Donc, il a fallu attendre les années 70, embarquer, c'est-à-dire le spatial, pour embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace et pour commencer à voir des phénomènes dans l'espace émetteurs de rayons X qui ressemblaient à des modèles de trous noirs que nous avions fait. En parallèle, moi, je me dis, je vais faire la première simulation numérique de à quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose, c'est-à-dire essentiellement d'un disque de gaz aplati chaud qui tourne autour du trou noir et qui va progressivement être absorbé par le trou noir. Ça se met en équation. Alors, évidemment, on voit dans la littérature de vulgarisation des couvertures de magazines, des images de trous noirs, une sphère noire qui flotte au milieu de quelque chose, c'est complètement faux, évidemment. Si on utilise réellement les lois de la relativité générale, on peut calculer tout ça. C'est-à-dire la distorsion de l'image due à la courbure de l'espace-temps qui dévie les rayons lumineux, on a des illusions d'optique fantastiques, etc. C'est ce à quoi je me suis attelé en 1978, donc il y a tout juste 41 ans. Et donc après quelques mois de calcul, c'est pas très compliqué à l'époque, etc. J'ai publié cette première photographie virtuelle d'un trou noir qui serait entouré d'un disque de gaz avec une forme d'œil un peu sombre entouré d'un halo de lumière assez étrange. Cette image, évidemment, elle a surpris à l'époque. Personne n'avait jamais fait ça. Et puis on l'a un petit peu oublié. Et elle est revenue sur le devant de la scène très récemment grâce en fait à des progrès instrumentaux que j'avais absolument pas suivi, parce que moi, entre-temps, j'étais parti sur d'autres pistes, les crêpes stellaires, les univers chiffonnés, et puis de toute façon, je n'ai jamais été lié au développement de l'astronomie observationnelle. Et il se trouve que les radioastronomes, c'est-à-dire ceux qui observent le ciel avec des grands radiotélescopes, ils ont compris qu'en faisant ce que l'on appelle de l'interférométrie à longue base, c'est-à-dire on utilise des réseaux de radiotélescopes répartis en différents points de la planète pour les faire fonctionner ensemble. Donc ils vont observer au même moment le même objet, ils vont combiner leurs observations pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope ayant la taille du réseau. Eh bien le projet, il a commencé à germer dans l'esprit de quelques radioastronomes dans les années 2000, donc déjà plus de 20 ans après mes premières simulations, en disant mais en fait, les trous noirs stellaires, disons, ils sont minuscules, ils n'en font que quelques kilomètres de diamètre, ils sont à des milliers d'années de lumière, jamais on ne pourra les observer, évidemment, de près, à part les signatures indirectes dont je parle, pas des rayons X. Mais on commence à découvrir qu'au centre des galaxies, il y a des trous noirs gigantesques. Ces trous noirs géants, ils ont des masses de millions, voire de milliards de fois la masse du Soleil, et leur taille est proportionnelle. Donc, au lieu d'avoir des trous noirs de quelques kilomètres, on a des trous noirs de, par exemple, 25 millions de kilomètres, c'est le diamètre du trou noir qui est au centre de notre galaxie. Un peu plus loin, il y a un trou noir encore plus gros, dans une galaxie qui s'appelle le Messier 87, qui, elle, est carrément à 50 millions d'années-lumière. Le trou noir fait 6 milliards de masse solaire. Donc, il fait 40 milliards de kilomètres. Ça commence à devenir gigantesque. Eh bien, le réseau de télescopes qui a été mis au point depuis les années 2000, il occupe pratiquement toute la planète. Il y a les 8 radiotélescopes qui sont utilisés dans ce projet qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, utilisent des télescopes répartis en Antarctique, aux îles Hawaï, aux États-Unis, en Europe, au Chili, etc. Et ils ont fait des observations en avril 2017, il y a tout juste 2 ans, pendant 4 nuits, ils observaient le trou noir galactique et puis le trou noir au centre de Messier 87. Les deux ont à peu près la même taille angulaire dans le ciel, ils ont des distances différentes, mais des tailles très différentes, mais donc finalement le diamètre apparent est le même. Ça correspond à peu près à la taille d'une pièce de monnaie sur la Lune. Il faut donc évidemment une résolution angulaire extraordinaire pour voir ça. Eh bien, grâce à ce réseau de télescopes, 5000 kilomètres finalement de diamètre, on a juste la résolution angulaire pour avoir la première image. Nous l'attendons. On l'attend toujours. Parce qu'il y a eu tellement de données incroyables, un nombre de données phénoménales pour être combinés ensemble, que cela fait 2 ans que c'est en train d'être calculé sur le supercalculateur. Et je peux annoncer que l'image va être délivrée en avril, le mois prochain. Parfait, voilà. On aura l'occasion d'en reparler ici. Ça va être un bon moment de vérifier que effectivement, les calculs que j'ai pu faire il y a 40 ans ont été pertinents. Et on en reparlera évidemment, ici on suivra ça avec attention. On va vous mettre un lien sur le fil Twitter de l'émission vers l'émission que nous avions consacrée l'année dernière précisément à ces télescopes, notamment l'Event Horizon Telescope, mais en règle générale aux télescopes spatiaux. Et puis aussi parce que finalement cette conjecture BKL, la singularité BKL, ça peut intéresser nos auditeurs. Donc on va aussi vous mettre des liens sur sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc si vous voulez vous passionner pour les premiers travaux de recherche de Jean-Pierre Luminet. Ça, c'était donc on va voir si une fois de plus la théorie aboutit à une confirmation observationnelle. Il y a une autre théorie que vous aviez, un modèle que vous aviez proposé justement avec votre collègue australien Brandon Carter, de modélisation du passage d'une étoile à proximité d'un trou noir. Ça a été confirmé par l'observation. Oui, alors ça a suivi ce calcul-là au début des années 80. Après, donc toujours à une époque où on commence à soupçonner, mais sans en être certain, qu'il y a des trous noirs géants au centre des galaxies, on se dit forcément, il doit y avoir des étoiles qui passent tout près. Il y a même des étoiles qui tombent dedans, mais carrément, là, c'est pas forcément intéressant parce qu'elles disparaissent, il n'y a rien. Mais en revanche, une étoile qui passe tout près, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer dans une zone de l'espace-temps fortement courbée par le champ de gravité du trou noir, et elle va subir l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée, même si c'est une expression newtonienne, ça marche quand même tout de même également en relativité générale, c'est-à-dire qu'elle va être déformée, par exemple, disons, de toute façon très simple, la partie avant de l'étoile va être attirée plus fortement que la partie arrière, donc l'étoile va avoir tendance à se déformer jusqu'à peut-être être brisée. Or, briser une étoile, ça fait quoi? Ça libère des quantités énormes de gaz, et donc probablement également d'énergie. Donc je me suis dit, il doit y avoir une signature. À l'époque, on cherchait des signatures indirectes de l'existence des trous noirs, et notamment des trous noirs géants. Et je me suis dit, on va calculer ça. Donc on met ça en équation, et qu'est-ce qu'on trouve? C'est que en quelques heures, c'est-à-dire le temps de passage de l'étoile dans cette zone critique autour du trou noir, qui est délimité par ce qu'on appelle le rayon de marée, l'étoile est essentiellement aplatie en quelques heures dans le plan de son orbite. Un truc aplati, vous appelez ça une crêpe. Alors on a commencé à appeler ça les crêpes stellaires, et puis à force d'être aplati, la température et la pression montent au centre, elle devient extraordinairement chaude, et des réactions nucléaires peuvent se développer, et elle explose. Une sorte de supernova par accident. Et donc, il y a une flambée de rayonnement. Alors, appelez ça les crêpes stellaires flambées. Alors, évidemment, il y a une expression anglo-saxonne qui n'est pas tout à fait aussi populaire. Hein. Et donc, on a commencé à publier nos papiers. Et là, effectivement aussi, moi, j'ai eu le grand plaisir de voir relativement vite, c'est-à-dire une dizaine d'années après, les premières observations de crêpes stellaires flambées. Et aujourd'hui, c'est une véritable industrie, c'est-à-dire les télescopes sont suffisamment équipés pour observer ce qui se passe dans des noyaux lointains de galaxies. De temps en temps, il y a des flambées de rayonnement qui sont interprétées par des destructions d'étoiles, par ses forces de marée de trous noirs géants. Et l'autre grand modèle que vous avez proposé aussi, qui est passionnant, c'est ce modèle que vous décrivez comme étant celui de l'univers chiffonné, avec lequel vous avez travaillé, vous avez collaboré avec un certain nombre de collègues qu'on connaît bien la méthode scientifique et qu'on est toujours ravis d'accueillir, Marc Lachaiserey, Roland Lehoucq, Alain Riazuello, Jean-Philippe Usan. Qu'est-ce que c'est que... à quel moment vous vous intéressez au modèle topologique de l'univers? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça attire votre attention et vous dites, il y a quelque chose, il y a un modèle à gratter, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, Jean-Pierre Luminet? Oui, alors, c'est pas ma mère est bonne. Je m'y intéresse à la fin des années 1987. En fait, on me demande d'écrire... c'est l'époque où j'écris mon livre sur les trous noirs, mais on me demande aussi d'écrire un chapitre dans un ouvrage collectif où je dois parler de la géométrie de l'univers, les différentes géométries de l'univers, géométrie de l'euclidienne. Moi, j'étais géomètre, mathématicien, c'est tout ça. Voilà. Comme j'ai une formation de géomètre, j'avais un petit peu suivi des travaux de mathématiciens, indépendamment de les réflexions que les cosmologistes pouvaient se faire sur la forme réelle de l'espace, dont beaucoup pensaient qu'il était quasiment plat, c'est-à-dire avec très peu de courbure, ou d'autres pensaient que c'était une sorte d'hypersphère, une sorte d'hyperballon gonflé, etc. J'ai découvert que ce qu'on appelle les topologistes, c'est-à-dire les géomètres qui travaillent dans cette branche fascinante de la géométrie, qui essaient de classer des formes possibles des espaces, à 2, 3, 4 dimensions, tout ce que vous voulez, et on trouve des formes absolument fascinantes que seuls les topologistes connaissent. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces formes-là pour tenter de décrire notre espace réel? Parce que on se rendait compte que les équations d'Einstein, la relativité générale, qui fournit effectivement des modèles de l'univers global, les fameux modèles de Big Bang, mais ne décrit pas la forme globale de ces univers. Ça décrit l'évolution temporelle, c'est-à-dire c'est en expansion, ou en contraction, en accélération, tout un ensemble de choses, c'est rempli de telle ou telle forme de matière, telle ou telle forme d'énergie. Est-ce que c'est infini ou pas? La relativité ne nous le dit pas. Il faut rajouter des hypothèses supplémentaires qui viennent précisément de la topologie. Et donc moi, en commençant à jongler avec ces modèles topologiques très bizarres, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de les importer dans la cosmologie? Alors, Bon, n'exagérons pas, j'ai pas été le tout premier à le faire, mais disons, j'ai été l'un des premiers à brosser d'abord une grande revue de quelques travaux qui avaient été faits précédemment, mais qui n'étaient pas allés très très loin, et puis à commencer à démarrer après avec mes collaborateurs de l'époque, Roland Lehoucq, Marc-Ache Cézeret, puis après Jean-Philippe Hussard, Yazoulou, etc. Des modèles très, très, très spécifiques de ce qu'on appelle en fait techniquement des univers à topologie multiconnexe. Pour le grand public, j'appelais ça les univers chiffonnés, en utilisant toujours des métaphores. Hein. Je prends l'exemple de la feuille de papier, toute lisse, toute plate, et puis si vous voulez éliminer les bords, coller les bords et faire une topologie compliquée, vous en faites un chiffon. Et en faisant le chiffon, ça veut dire que vous allez rapprocher des points de la feuille qui normalement sont paraissent éloignés dans leur trajet normal. Voilà. Ça veut dire que vous démultipliez les trajets des rayons lumineux ou des lignes droites, c'est-à-dire les rayons lumineux, entre deux points de votre chiffon cosmique. Et c'est ça qui, a priori, pourrait effectivement provoquer une véritable illusion, un mirage topologique qui nous ferait croire que l'univers est peut-être plus grand que ce qu'il n'est en réalité, puisque certaines sources seraient démultipliées, alors qu'on le croirait original. Je dois dire aussi qu'avec mon côté, des fois un petit peu provocateur là, par rapport à la communauté, une certaine orthodoxie de la communauté, quand on fait la communauté cosmologique, voilà, ça ne me déplaisait pas de proposer un modèle qui paraissait un petit peu hérétique, parce que si j'allais voir un cosmologiste ou un astronome extragalactique qui observe des quasars lointains, des galaxies lointaines, et je lui disais, mais tu sais, peut-être que ce quasar-là que tu vois, ce n'est en fait que l'image démultipliée de notre galaxie que tu as vue ailleurs, qui n'est pas du tout au même endroit, à la même distance, ça paraît c'est bizarre, voilà. Alors, au début, pendant une dizaine d'années, avec tous ses collaborateurs brillants, dont également le grand mathématicien américain Jeffrey Weeks, qui nous a apporté beaucoup de choses sur l'expertise purement mathématique de l'affaire, ben, nous avons exploré, voilà, tous ces modèles d'univers, au début, dans les papiers quasiment incompréhensibles, très mathématiques, et puis petit à petit, bon, ça a fait son trou, et puis finalement, ben, ça a abouti en 2003 à une interprétation d'observation qui avait été faite par un satellite américain, qui s'appelait WMAP sur le rayonnement fossile, vestige refroidi du Big Bang, qui présente certaines caractéristiques absolument fascinantes que l'on peut décoder avec des outils mathématiques, voilà, qui ressemblent d'ailleurs à des analyses d'instruments de musique dont on va analyser les modes vibratoires et dont on va donc, à partir desquels on va pouvoir définir les propriétés de l'instrument, sa forme, sa structure, sa composition, etc. Et à partir de là, il y avait certaines anomalies qui paraissaient dans voilà, les mode vibratoire du rayonnement fossile observé, et nous avons pu publier un papier en 2003 qui a fait la une de la revue Nature avec un modèle particulier d'univers chiffonné qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré. Désolé pour la chose compliquée, mais c'est d'une élégance folle, c'est un modèle d'une grande beauté mathématique. Alors dodécaédrique, ça veut dire à 12 côtés? Oui, absolument. Donc le dodécaèdre, c'est l'une des vieilles figures de la géométrie décrite déjà par Platon, hein. C'est quelque chose qui n'est pas très loin d'une sphère, mais ça, voilà, c'est un pôle, ce qu'on appelle un polyèdre 12 faces pentagonales régulières, mais le nôtre, il était un peu plus compliqué, parce que non seulement il était sphérique, après, il fallait coller les faces entre elles pour les éliminer, parce qu'il n'était pas question, évidemment, de faire un modèle d'univers enfermé dans un ballon, dans un dodécaèdre, parce que l'univers spatial ne peut pas avoir de bord, sinon il y a un paradoxe. Donc, pour éliminer les bords, vous les collez. C'est comme ça que vous chiffonnez votre espace. Voilà. Et on crée une illusion d'optique, c'est-à-dire le dodécaèdre sphérique crée l'illusion d'un espace plus grand que ce qui n'est en réalité en démultipliant quelques objets. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de multiplier par mille le nombre de galaxies que l'on voit dans l'univers. Il y a des contraintes expérimentales qui font qu'aujourd'hui, le dodécaèdre sphérique, il n'est plus très particulièrement favorisé par les toutes dernières observations qui ont été faites depuis 2003, mais il existe encore plein d'autres formes possibles que nous avions également proposées dans des articles techniques, peut-être moins spectaculaires et moins élégantes que le dodécaèdre sphérique, qui peuvent encore donner une explication inattendu sur la forme de l'espace qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas forcément sans courbure, plat, infini, la morne plaine euclidienne. Moi, j'ai préféré explorer ces chiffonnages possibles. J'aime beaucoup cette morne plaine euclidienne. Mais alors, deux questions, peut-être un peu de béotien, Jean-Pierre Luminet, mais on l'a dit, on a fait des émissions à ce micro autour justement du fond diffus cosmologique, de la qualité isotrope de l'espace. Donc, il y a l'isotropie d'une part, et puis d'autre part, est-ce que si nous percevions à l'observation des redondances, des cercles, en fait, on les aurait vus, on se serait rendu compte que tel quasar ressemble quand même énormément à tel autre quasar ou pas du tout? Alors évidemment, c'est une fausse question. Très vite, une fois que vous êtes un théoricien, vous faites des modèles théoriques, mais après vous voulez effectivement confronter ça à des observations, donc il faut faire effectivement des prévisions. Dire voilà quelles pourraient être les méthodes pour les observateurs pour essayer de tester ces modèles. Donc a priori, effectivement, comme vous venez de le dire, on pourrait penser simplement à une reconnaissance directe d'objets démultipliés. Il y a le quasar, ben, en fait, on va voir, s'apercevoir que c'est le même. Et oui, mais attention, les trajets des rayons lumineux, oui, par deux sources, la même source mais que l'on voit dans des directions différentes, mais surtout à des époques très différentes, elles ont complètement changé de nature. Donc vous ne reconnaissez pas forcément le même objet, il n'est même pas sous la même orientation, et on ne le voit pas au même âge. Je dis parfois, c'est comme si vous essayez de reconnaître sur une photographie le même individu, l'un c'est le bébé vu de face, l'autre c'est le centenaire vu de dos. Vous ne le reconnaîtrez pas. Voilà, donc il faut faire des études statistiques. On a développé plusieurs méthodes statistiques, et l'une d'entre elles également porte sur des structures particulières qui seraient dans le rayonnement fossile. Si dans le rayonnement fossile, dans la carte qui est censée représenter la frontière de l'univers observable, si l'univers est chiffonné sur une certaine échelle un peu plus petite que celle-là, eh bien il devrait y avoir certains points qui sont les mêmes et les corrélations se traduiraient, comme vous venez de le dire, par des paires de cercles. Évidemment, ce sont les choses qui ont été cherchées en premier lieu et c'est ce qui m'a fait dire que depuis les observations du satellite européen Planck, que vous avez certainement dû en parler avec Alain Loiselot et quelques autres, c'est vrai que les cercles prévus par le modèle de Dedekind de Poincaré n'ont pas été trouvés, ce qui semble exclure le modèle, non pas définitivement, l'espace pourrait être en dodécaèdre, mais à une échelle plus grande que l'horizon cosmologique, donc il n'y aurait pas de traces dans le rayonnement fossile. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres topologies qui produiraient d'autres cercles et pas forcément détectables par les moyens actuels. Donc ça reste, la question reste ouverte. Ça reste une question fondamentale aussi parce que si l'univers a une topologie bizarre, et ça va nous amener peut-être dans le quatrième secteur dans lequel j'ai travaillé, je travaille maintenant, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gravitation quantique. Si l'univers a une topologie particulière, il n'a pu l'acquérir qu'au tout début de son histoire. Parce qu'une grande loi mathématique de la relativité générale d'Einstein nous dit que, au cours de l'évolution classique de l'univers, il ne peut pas y avoir de changement de forme. Donc, ça veut dire que la forme de l'univers, si elle est bizarre aujourd'hui, elle a été bizarre au départ, et au départ, c'est quoi? Ce qu'on appelle l'ère de Planck, c'est-à-dire l'époque très primordiale après le Big Bang, où l'univers était régi, et aussi par des phénomènes de physique quantique, et non pas seulement par la gravité, et donc on a besoin d'une théorie quantique de la gravitation, pour décrire cet univers-là, et pour l'instant, les théories que nous explorons n'ont pas encore la capacité de prédire la topologie. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleet while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Across the universe, me on a like a restless wind inside the airport. They tumble around me as they play across the universe. Jai Guru. Across the Universe, le standard des Beatles ici repris par Leibach. Vous écoutez La Méthode Scientifique, il est 16h40. Nous avons la joie de recevoir tout au long de cette heure Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille à l'observatoire de Paris-Meudon. Alors, on arrive justement, on va rentrer, j'aime bien dire, on va rentrer un peu dans le dur, c'est-à-dire qu'on va parler de paradoxes de l'information, de murs de feu, des trous noirs, de rayonnement de Hawking. Bref, on va explorer ce champ de recherche qu'est la cosmologie quantique. Et pour commencer, nous sommes allés voir l'un de vos camarades, Jean-Pierre Luminet, que nous avions reçu ici même il y a quelques semaines, qui partage avec vous les goûts croisés des sciences et de la littérature. Il s'agit du mathématicien Alain Cohn. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pourquoi êtes-vous allé rencontrer Alain Cohn dans une émission qui est consacrée à Jean-Pierre Luminet? Oui, parce que parfois il faut faire dialoguer les disciplines entre elles. Donc Alain Cohn, on le rappelle, il est quand même membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. En 1982, il recevait la médaille Fields pour ses travaux qualifiés de révolutionnaires dans la résolution des algèbres de von Neumann, on va en parler. On a parlé d'ailleurs ensemble de la théorie mathématique qu'il a mise en place, la géométrie non commutative, une théorie qui s'applique à des espaces où les coordonnées ne commutent pas. On a aussi évoqué les raisons pour lesquelles cette théorie pourrait peut-être un jour offrir des clés précieuses aux physiciens. C'est une théorie qui est motivée par une découverte de physique, qui est la découverte de Heisenberg. Quand il a découvert, si vous voulez, ce qu'on appelle la mécanique des matrices, c'est-à-dire le fait que quand on s'intéresse à des quantités observables microscopiques, ceux qui sont typiques de la mécanique quantique, eh bien, on ne peut plus manipuler algébriquement les choses comme on avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire on écrit E égale MC2 ou E égale C2M, c'est la même chose, hein, et on doit faire attention à l'ordre des lettres. Alors ça, je veux dire, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça montrait qu'il était important d'étudier des espaces qui, contrairement aux espaces de Descartes dont les coordonnées commutent, étaient des espaces plus généraux dans lesquels les coordonnées ne commutent pas. Alors, deuxième étape, ça a été une étape faite par un mathématicien qui s'appelle von Neumann. Et von Neumann a mis au point le formalisme de la mécanique quantique et a étudié avec Murray ce qu'on appelle les sous-systèmes d'un système quantique. Et il s'est aperçu qu'il y avait des algèbres qui étaient très sophistiquées, qu'on appelle les algèbres de von Neumann, sur lesquelles moi j'ai travaillé dans ma thèse. Ce que j'ai trouvé dans ma thèse, qui a été un point de départ essentiel, ça a été qu'une algèbre non commutative, comme von Neumann les avait trouvées, a naturellement une évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'elle crée son propre temps, elle évolue dans le temps. Alors, ce que ça a indiqué, c'était que non seulement, bien sûr, d'après Heisenberg, c'était utile, c'était très important d'étudier des espaces dont les coordonnées ne commutent pas, au sens de Descartes, mais qu'il y aurait des phénomènes totalement nouveaux. Là, il y avait un phénomène extraordinaire, qui était cette évolution dans le temps dont j'avais montré, après les travaux de Tomita et de Takasaki, j'avais montré, si vous voulez, que cette évolution dans le temps était canonique, qu'elle était naturelle, et j'en avais déduit dans ma thèse toutes sortes d'invariants nouveaux pour ces algèbres. Mais, en fait, si vous voulez, pendant longtemps, je n'avais pas réussi à relier ce développement mathématique avec la physique. Par contre, au bout d'un moment, au moment de ma leçon inaugurale au Collège de France en 1986, j'avais trouvé un paradigme géométrique qui était plus général que le paradigme que Riemann avait trouvé et qui joue un rôle si important dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, au sens où précisément il permettait de s'intéresser à des espaces dont les coordonnées ne commutent plus, donc les espaces trouvés par Heisenberg. Et pendant des années, depuis ce moment-là, si vous voulez, alors là, j'ai développé le lien qu'il y a entre ce nouveau paradigme qui permet plus de liberté et la structure fine de l'espace-temps. Et ce dont je me suis aperçu, et ça c'est avéré, si vous voulez, c'est pas, je vous raconte pas des histoires, qu'en fait, grâce à ce nouveau paradigme, on peut comprendre pourquoi on n'a pas seulement la force gravitationnelle, mais cette force gravitationnelle est associée à d'autres forces, la force électromagnétique, la force électrofaible et la force forte. Et on arrive à comprendre, grâce à ce nouveau paradigme, avec des détails incroyablement précis, pourquoi on retrouve pas seulement la gravitation, mais ces autres forces, à partir d'un problème purement mathématique. Alors, faire maintenant le lien entre ce que je sais faire, par exemple, avec le temps imaginaire, et le retourner au temps ordinaire, c'est-à-dire la cosmologie, l'évolution, etc., ça, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, ça demande une réflexion philosophique qui n'a pas encore vraiment abouti. Mathématiquement, on sait faire. Maintenant, on n'a pas encore réussi, si vous voulez, à revenir dans la cosmologie ordinaire. Et on travaille dessus, bien sûr, on travaille sur la deuxième quantification, etc. Donc, mais on fait des progrès, on avance, mais on n'a pas encore, si vous voulez, réussi à maîtriser justement ce côté-là. Et une des raisons pour laquelle je ne me précipite pas, c'est qu'en réfléchissant sur le quantique et sur l'évolution que j'avais trouvée lorsque j'avais fait ma thèse, en fait, je me suis aperçu du fait que probablement le fait que l'on écrit toujours la physique en termes de l'évolution dans le temps, c'est-à-dire en ne voyant comme variabilité que le passage du temps, c'est probablement une hérésie. Et probablement que la vraie variabilité est plus profonde, plus difficile à cerner et qu'elle est quantique. Et que cette variabilité qui est plus profonde, c'est le fait que précisément on soit incapable, à cause du principe d'incertitude de Heisenberg, d'obtenir le même résultat expérimental quand on répète une expérience microscopique. Il faut arriver à comprendre comment le temps émerge vraiment à partir du quantique. Et il émerge à partir de notre méconnaissance de tous les détails du quantique. Parce que les mathématiques, celles dont je parle, donnent le bon outil pour faire ça. C'est un outil très subtil, c'est une théorie magnifique, et c'est une théorie qui a un potentiel philosophique extraordinaire, mais qui demanderait un nouvel Einstein pour être là et dire finalement s'il y a un paradoxe, par exemple, dans ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est simplement parce que les gens ne pensent pas juste. Et à partir du moment où, avec cet outil mathématique, on aurait la possibilité de se mettre en recul philosophique, si vous voulez, de dire non, le temps n'est pas la bonne variable. La bonne variable, c'est la variabilité quantique. C'est le fait que si on envoie un électron qui passe à travers une toute petite fente, on peut seulement donner la probabilité pour l'endroit où il va arriver, mais jamais, quand on va répéter l'expérience, jamais il va arriver au même endroit. Ça, c'est une variabilité magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Et on sait, grâce à Heisenberg, qu'on ne peut pas, même si on prend toutes les précautions expérimentales, etc., on n'arrivera jamais à le faire arriver au même endroit. C'est une merveille. Que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'imagination, une espèce de variabilité, une espèce de fantaisie, si vous voulez, du quantique, qui fait que chaque fois, il va arriver à un endroit différent. Ce qui est merveilleux, si vous voulez, c'est que ce que dit l'intrication quantique, c'est précisément que ces aléas du quantique ne seront pas totalement incohérents. C'est-à-dire, on ne va pas avoir en un point A et un point B deux aléas qui vont être complètement incohérents entre eux. Non, ils vont être cohérents entre eux. Et cette cohérence sera la même que celle qui a conduit Einstein, par exemple, quand il parle du train, vous savez, ou etc., et a conduit Einstein à redéfinir le temps. Alors, il faudrait une réflexion philosophique suffisamment puissante pour redéfinir la variabilité. Et à partir de là, on aurait peut-être une chance de comprendre ce que les gens appellent la gravitation quantique, etc. Alors ce qu'il faudrait pour réunir ces deux grandes physiques qui sont voisines, ce serait plus une révolution philosophique, voilà, épistémologique, une révolution de pensée qu'une révolution de résultats. Technique, si vous voulez. On a les pièces du puzzle. Ce qu'il manque, c'est un esprit très très audacieux et qui créerait une complète révolution, si vous voulez. Et puis après, quand les choses seraient en place, on dirait « mais c'était évident, bon, on aurait dû y penser ». Voilà, Alain Cohn et ses modèles de géométrie non commutative. Une réaction, Jean-Pierre Luminès, que vous venez d'entendre. Oui, alors vous avez entendu qu'on était effectivement dans le dur avec Alain. Donc j'ai beaucoup d'admiration, évidemment, pour ses travaux. C'est l'un de nos plus brillants esprits. Alors vous l'avez entendu, il a utilisé plusieurs fois le mot magnifique, beau, etc. Il fait partie justement de ces mathématiciens pour lesquels la beauté joue un rôle fondamental et un rôle de guide dans l'élaboration de nouvelles théories. Tiens, une petite anecdote, je ne sais pas si Alain s'en souviendra s'il écoute l'émission. Il y a une vingtaine d'années, un journaliste d'un grand journal, un quotidien, je ne citerai pas, me dit « Tiens, j'ai envie de démarrer des conversations à deux avec deux personnes travaillant, deux personnalités travaillant. Voilà. J'ai déjà fait un entretien avec un astrophysicien et un philosophe. Ça a très bien marché, j'aimerais en faire un avec toi. Avec qui tu aimerais parler ?» Ben, je lui dis, j'aimerais bien parler avec Alain Cohn. Ça. Ah oui, d'accord. Ah, donc, on prend rendez-vous, je me retrouve dans le bureau d'Alain, à l'École normale supérieure, et on se met à parler pendant une heure, à peu près comme ça, de son niveau. Alors, lui, de ces choses-là, moi, de mes, ma topologie à grande échelle, etc. Bon, moi, j'étais ravi de l'entretien. Et puis, un mois plus tard, toujours pas de nouvelles du journaliste, alors je finis par lui écrire un mot. Alors, l'article, tu l'écris ? Désolé. Mais j'ai rien compris. J'étais incapable de faire un résumé, donc le lecteur n'aura rien compris. Voilà. Bon. Alors, vous avez entendu, en fait, Alain pose parmi de nombreuses questions fondamentales, peut-être la plus fondamentale de toutes et peut-être la plus énigmatique, c'est celle du temps. Ce fameux temps. Est-ce que c'est une variable physique pertinente? Et pourtant, Dieu sait si on a toujours eu besoin pour faire de la physique. Et justement, cette non-commutativité dont il parle. La non-commutativité, ça implique une relation d'ordre. Puisque vous pouvez pas mettre des choses, vous pouvez pas inverser la position de paramètres, d'opérateurs, etc., etc., comme dans la physique simple, où on commute, on inverse, etc. Là, il y a un ordre très précis. Et ça évoque quoi, l'ordre? Ben, ça évoque l'ordre du temps. La chronologie, ça évoque la flèche du temps. Voilà. Et donc, justement, finalement, est-ce que le temps, est-ce que c'est une variable qui est là dès le départ ou c'est quelque chose qui simplement émerge d'une géométrie non commutative? Ce serait, auquel cas, ce serait plus effectivement quelque chose de basique, mais une propriété dite émergente. Ça fait partie des questions qui sont encore loin d'être résolues, mais qui sont absolument fascinantes et qui sont abordées, pas seulement d'ailleurs par la géométrie non commutative, mais par d'autres approches de la gravitation quantique, parce que vous savez, ce défi intellectuel majeur sur lequel, pour l'instant, échoue, même malgré quelques relatifs succès partiels théoriques, échoue la plupart des grands esprits de la physique théorique, depuis Einstein, qui s'y était déjà cassé les dents. Alors, on a eu la théorie des cordes, des supercordes, la théorie des branes, vous avez certainement dû en parler on dans vos émissions. On a eu Thibaut Dabour, Carlo Rovelli, bien sûr. On a eu tout le monde. Alors, si vous avez eu Carlo Rovelli, vous avez eu la gravité quantique à absolument. Boucle, et il vous a parlé probablement de son obsession sur la disparition du temps, précisément, absolument. L'élimination du temps comme variable pertinente. Ça fait partie, effectivement, des enjeux majeurs de la physique du 21e siècle. Ce que je trouve passionnant dans ce que dit Alain Cohn, c'est qu'il dit quelque chose, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a parlé de la quantification de la gravité, on a cherché des réponses scientifiques. Alain Cohn dit, la réponse est peut-être philosophique. Oui, alors de deux choses l'une. Alors malgré tout, il y a quand même certainement des techniques extraordinairement. Il dit ça, mais évidemment après, il faut se taper. Il faut faire les calculs. La technique mathématique, il faut faire les calculs. Pareil en théorie des cordes, pareil en gravité quantique à boucle, etc. Et d'ailleurs toutes ces théories, pourquoi elles ne sont pas encore abouties? Au-delà du fait que ce ne sont pas forcément les bonnes approches, c'est parce qu'il y a encore une quantité de problèmes techniques qui ne sont pas résolus. Alors et aussi. Peut-être, contrairement à ce qu'il a dit, peut-être que c'est pas un seul esprit type Einstein. Il faudrait un nouvel Einstein. Aujourd'hui, quand même, la science a changé, la sociologie de la science a changé de nature. Les créations sont un peu plus collectives qu'avant. Donc, je ne suis pas certain que ce soit une seule personne qui pourrait éventuellement faire cette percée, ce que Thomas Kuhn appelait une révolution cosmologique, puisqu'on est quand même dans un paradigme. Il y a eu le paradigme quantique, il y a eu le paradigme relativiste, en essayant de forcer un nouveau paradigme qui marierait les deux. Mais faut-il vraiment les marier à la façon dont on imagine qu'on peut les marier à force de poignées d'équations de plus en plus compliquées et on rajoute des dimensions supplémentaires dans la théorie des cordes et on définit un espace-temps granulaire dans la gravité quantique à boucle et on définit des zones floues dans la géométrie non commutative, tout ça c'est fascinant, mais il y a peut-être encore autre chose qui nous échappe et peut-être qu'il faudrait même sortir du champ de la physique et s'intéresser aux sciences cognitives. Puisque finalement, notre cerveau, c'est un réseau de neurones incroyable, qui fait des performances époustouflantes. On commence à avoir quelques tentatives de formalisation mathématique du fonctionnement du cerveau, qui sont encore embryonnaires, mais Roger Penrose, par exemple, a travaillé là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse notamment dans cette théorie, je suis en train de préparer un ouvrage qui essaie de faire un petit peu une revue synthétique de ces différentes approches. J'en ai cité trois, mais il y en a d'autres qui sont moins connues. L'une des choses qui m'intéresse, parce que dans certains formalismes, finalement, le formalisme mathématique de certaines théories, notamment peut-être un peu celui de la gravité quantique en boucle, ressemble à certains formalismes qui avaient été développés justement par Roger Penrose, qui pourraient servir à décrire également le fonctionnement du cerveau. Les atomes d'espace, par exemple, la graine d'espace représenterait les neurones, les interactions entre eux, les interactions fondamentales seraient les axones qui transmettent l'information. Et ce serait fascinant quand même de se dire que finalement, la structure ultime de l'espace aurait la même structure que notre cerveau, qui permet justement de penser cette structure ultime. Et ça ouvre des problèmes philosophiques extraordinaires. Notre cerveau est-il finalement adapté et ajusté par l'évolution pour percer finalement des mystères de l'univers qui normalement devraient lui être totalement étrangers? On retombe presque sur la théorie anthropocentrique, Jean-Pierre Luminet. Alors non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas du tout dans les histoires de principes anthropiques. Je m'en tiendrai simplement à des structures mathématiques communes qui seraient dans l'espace-temps physique et puis dans la façon de le penser. Bon alors, il faut que je vous annonce quelque chose parce qu'il est 16h54 et qu'on n'a pas eu le temps de dire un seul mot de vos travaux sur l'entropie et sur les trous noirs. Et on va pas essayer de le faire en 3 minutes. Et on n'a pas parlé de mes romans scientifiques, etc. Mais alors, si parlons-en aujourd'hui. Aujourd'hui, Jean-Pierre Luminet, il y a un auditeur qui nous dit à quoi ressemble une journée de Jean-Pierre Luminet. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Aucune journée ne ressemble à une autre, donc je ne répondrai pas à cette question. Toutes les journées sont différentes. Voilà. Une multiplicité de choses. Alors, il faut savoir que je ne suis pas un esprit, contrairement à beaucoup de mes collègues, un esprit linéaire et obsessionnel qui va se concentrer toute une journée entière sur un seul sujet. Je travaille un petit peu de façon morcelée, la façon d'un puzzle dont les pièces se mettent en place. Et le puzzle fonctionne non seulement dans mon domaine de recherche scientifique, mais également dans le reste de mes activités. Donc, au cours d'une journée, pas toute bien entendu, au cours d'une journée, je peux passer d'une équation à la lecture d'un article scientifique compliqué écrit par un de mes collaborateurs, mais également à la lecture ou à l'écriture d'un bout de poème, à l'écoute d'une œuvre musicale et à une quantité de collaboration également, d'échanges et de collaboration avec de nombreux artistes avec lesquels donc j'ai eu le plaisir de faire ces collaborations-là, à l'écriture d'une partie d'un chapitre de roman, etc. Et tout cela, effectivement, ils s'irriguent mutuellement. Voilà. Ce sont pas des à côté, ce sont pas des violons dingues dans toutes ces activités. C'est moi. Et moi, c'est mon intégrité. Je ne peux fonctionner que comme cela. Donc, parfois, on s'étonne. Mais comment vous arrivez à faire tout ça? Je dis, mais je ne pourrais pas faire autrement que faire tout cela. C'est justement parce que je fais ces choses ensemble que, de temps en temps, il y a quelque chose qui finit par sortir et par émerger. Qu'est-ce qui vous intéresse, Jean-Pierre Luminet, dans la fiction, notamment le dernier roman, c'est Ulubeg, l'astronome de Samarcande. Quels sont les thèmes? Pourquoi la fiction, le romanesque vous inspire? Oui, alors, c'est vrai que les 7 romans que j'ai écrits sont tous des romans sur l'histoire des sciences. Je m'empresse de dire que c'est pas uniquement cette forme-là qui m'intéresse dans le roman en général, dans les romans que je lis, voilà. Mais il se trouve que bon, dans mon parcours personnel et puis par certains concours de circonstances, parce que on me les a demandés, ce sont des éditeurs qui me les ont demandés ces romans. Je mesure la chance que j'ai eue quand je sais que tous les auteurs qui essaient de publier des romans ont beaucoup de mal, voilà. Donc moi, je me suis aussi passionné, pas dès le début, mais assez un peu plus tardivement, pour l'histoire des sciences que j'ai découverte un petit peu en cours de carrière. Et puis je trouvais que c'était une fabuleuse histoire. Ces gens, on connaît les noms, Kepler, en Copernic, en Galilée, en Newton. On fait des choses extraordinaires. En général, on ne connaît pas grand-chose d'eux. On ne sait pas surtout comment ils ont vécu, comment ils ont pensé, à quoi ils se sont heurtés, toutes les hostilités, leurs enthousiasmes, leurs déceptions et tout ça. Donc, j'ai voulu recréer ces personnages, en faire vraiment des êtres de chair et de sang, et pas seulement des êtres de pensée, et replacer leur grande aventure intellectuelle dans le contexte de leur époque, contexte philosophique, politique, religieux, et ainsi de suite. D'où cette série qui retrace finalement les bâtisseurs du ciel, ou en fait, en 7 volumes réellement, qui commence à l'Antiquité grecque et qui finit au siècle des Lumières, en passant par les différents épisodes, dont le dernier, un épisode méconnu de l'astronomie arabo-musulmane au XVe siècle, avec Ulugbeg. Et ben, j'ai la chance d'aller voir les vestiges de l'observatoire de Ulugbeg à Samarcande, je pars dans 10 jours. Ben très bien, écoutez, on vous souhaite un merveilleux voyage. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de vos travaux. Vous êtes évidemment le bienvenu quand vous voulez, parce qu'on a encore plein de choses à se dire, donc on vous réaccueillera avec grand plaisir. Je renvoie évidemment à tous vos ouvrages, L'univers en sans question chez Talandier, De l'infini chez Dunod, le dernier des bâtisseurs du ciel, Ulugbeg, l'astronome de Samarcande, c'est chez Lattès, et puis comme toujours évidemment à votre blog passionnant Luminescience sur le site Futura Science. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lezen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mel à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous fêterons un anniversaire, mais un anniversaire en demi-teinte, puisqu'il sera question des 30 ans du web. Que reste-t-il de l'utopie originelle, de partage des savoirs, du projet collaboratif de Tim Berners-Lee? On en parle demain à 16h, et puis je continue à faire également monter un peu le suspense. Vendredi, faites une croix dans votre agenda, c'est un peu une semaine exceptionnelle de la méthode scientifique, puisqu'après Jean-Pierre Luminet aujourd'hui, nous recevrons un autre scientifique de renom à la parole qui est très très rare dans les médias, qui va nous accorder un entretien exclusif. Je vous laisse gamberger. On se retrouve demain, vendredi à 16h bien sûr, mais demain déjà à 16h jusqu'à preuve du contraire.